أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On a parlé la dernière fois des messages qui ont été adressés au roi. On a parlé de l'histoire de Héracle, et que le prophète sallam après il a dit que Héracle a gardé mon message, Allah va garder son royaume. Et Kisra il a déchiré mon message, Allah va disloquer son royaume. De même le Négus il a déchiré mon message, Allah va disloquer son royaume. Le Négus, c'est pas le premier Négus, c'est pas As-Hama, rahimahullah, c'est pas celui qui est mort musulman, mais l'autre Négus qui l'a succédé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a anéanti le royaume de Kisra et le royaume du Négus. Et celui des Romains, il existe jusqu'à nos jours. Ça veut dire que les Romains, ils ont toujours, les croisés, les chrétiens, ils ont toujours un pouvoir. Alors que celui de Kisra, il a été anéanti, carrément. Les Abyssins n'existent plus. Donc ça concernant, il a envoyé des messages pour propager la da'wa. Et on a parlé de ces messages-là, et on a parlé de Ghazwat Mu'ta, la dernière chose dont on a parlé. C'est Ghazwat Mu'ta. Où le prophète sallam il a préparé une armée qui doit aller jusqu'aux frontières de la Syrie et combattre les Rassanides qui ont tué ses émissaires. Et il a dit c'est Zayd ibn Haritha qui va prendre l'étendard, et si Zayd ibn Haritha est tué, c'est Ja'far ibn Abi Talib qui va le remplacer, et si Ja'far a été tué, c'est Abdullah ibn Rawaha qui va le remplacer. Bon, les Médinois, ils ont fait leurs adieux aux émirs, et le départ a eu lieu le jour du vendredi. Ça veut dire qu'il n'est pas interdit de voyager le vendredi, il est autorisé de voyager le vendredi. Ce qui est déconseillé, c'est de faire le départ à l'heure de Zohar, c'est-à-dire à l'heure où s'approche la khutbah de Jumu'ah. C'est à ce moment-là que c'est déconseillé de voyager. Puis, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, il s'est dit, voilà, je vais rester à Médine, je vais faire la Jumu'ah avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je vais rejoindre le contingent. Je vais rejoindre mes frères. Bon, eux, ils vont faire le départ le matin, moi je vais attendre jusqu'à faire la Jumu'ah avec le prophète sallam, et puisque mon cheval est rapide, je vais les atteindre vite. Et quand le prophète sallam le vit, il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de partir, pourquoi tu n'es pas parti avec tes frères? Il a dit, au envoyé d'Allah, je voulais faire la Jumu'ah avec toi. Parce qu'il a dit, peut-être que c'est la dernière fois qu'il va voir le prophète sallam, donc il vaut mieux qu'il reste avec lui, faire la Jumu'ah et partir. Et le prophète sallam, il a dit, tu ne pourras jamais les rattraper, même au prix des trésors de la terre entière. Ça veut dire que tu as raté ce départ-là du matin, Al-Ghadwa, dans le jihad. Ça veut dire que lui, même s'il dépense tout ce qui est sur terre, ils l'ont déjà devancé. Ça y est, c'est trop tard, ils l'ont déjà devancé. Ça veut dire que le jihad, il est mieux que la Jumu'ah avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, la Ghadwatun, أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. Une marche au service d'Allah au début de la journée ou à sa fin vaut mieux que le monde et tout ce qu'il renferme. Quand le combattant il prépare ses armures ou il prépare son fusil ou il prépare son épée, il prépare son cheval le matin et il va avec ses frères pour combattre, rien que le fait de marcher vaut toute la terre entière. Vaut mieux que la terre entière. De même, quand il fait le combat et qu'il revient chez lui, ce retour-là, il vaut mieux que toute la terre entière, que la terre est ce qu'elle renferme. Dans cette expédition a participé Khalid ibn al-Walid. Et quand les Rassanides furent informés de la progression des troupes musulmanes vers eux, Al-Haris, c'est l'un des rois des Rassanides, il demanda des renforts à Héraql. On sait que les Rassanides, ils sont sous le règne des Romains, le règne de Héraql. Et Héraql, il a fourni un renfort, il a envoyé 100 000 hommes, des troupes des escadrons, 100 000 hommes, il a envoyé Al-Haris de Rassan. Donc là, c'est clair, il montre qu'il est kafir, il est mécréant. Bien qu'il a témoigné et tout, mais le fait d'aider son allié contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un acte de kofre, c'est un acte de mécréance. Donc au total, l'ennemi, il comptait 200 000 hommes. 200 000 hommes. 200 000 combattants. 100 000 Romains, plus 100 000 Arabes christianisés parmi les tribus de Lahm, Juzam et d'autres tribus. Bon, le Zayd, il a atteint un endroit qui s'appelle Ma'an, et quand il a vu, il a envoyé ses éclaireurs, et ils ont vu l'armée des Rassanides et des Romains, et quand il fut informé de ça, du nombre de l'ennemi, il a dit, il vaut mieux qu'on se consulte, et il s'est réuni avec les chefs de sa troupe. Ils se sont réunis, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on doit envoyer au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous envoie des renforts? Ou est-ce qu'on combat maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, bon, différentes suggestions furent proposées. Et là, Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, il s'éleva énergiquement et dit aux gens, par Allah, ce que vous appréhendez est cela même que vous êtes venu, pourquoi vous êtes venu? Pour avoir la shahada. Donc la chose qui vous fait peur, vous êtes venu exprès pour avoir cette grande récompense. Donc vous êtes venu chercher le martyr. Et ce n'est nullement par le nombre ou par la force que nous combattons, mais uniquement par l'iman, par cette religion. Il a dit avancer. Nous avons devant nous la certitude d'une alternative dont les deux termes sont bons, soit la victoire, soit le martyr. Donc on a les deux choses sont bonnes. Soit on va triompher, soit le shahada fi sabilillah. Et donc ce fut la résolution d'Abdullah ibn Rawaha qui l'emporta et l'armée poursuivit son chemin. Il a poursuivi son avancée vers le nord jusqu'à arriver à un endroit où il peut voir l'ennemi. Et là, les musulmans, ils purent voir pour la première fois 200 000 hommes, bien armés, avec des chevaux bien solides. Ils n'ont jamais vu ça auparavant, 200 000 hommes. Et Zayd, c'était le premier, c'était l'émir. Il demanda de s'installer dans un endroit qui s'appelle Mouta, une localité qui s'appelle Mouta. Ils ont vu l'ennemi et ils ont campé dans un abri, dans un endroit qui s'appelle Mouta. Et le matin, de bonne heure, Zayd partagea l'armée. L'aile droite a été commandée par Qutba ibn Qatada, l'aile gauche par Ubad ibn Malik, et il donna l'ordre d'attaquer. Il donna l'ordre d'attaquer. 3000 hommes vont attaquer 200 000 hommes. Subhanallah. C'est lui qui a attaqué le premier. L'imam, il fait des miracles quand on a la foi. Et là, le combat, il fut acharné. Les musulmans tuèrent des centaines parmi les Romains. Les Romains n'ont rien compris. Comment un petit nombre, 3000 hommes, et c'est eux qui attaquent les premiers alors qu'ils étaient certains que les 200 000 hommes, en général, la supériorité numérique, ils l'emportent. Ils furent attaqués par les 3 000 hommes sous le commandement de Zayd ibn Haritha. Ils ont attaqué, puis ils sont retirés. Le lendemain, ils ont fait pareil. Deuxième jour, troisième jour, cinq jours successifs, c'est les musulmans qui les attaquent et ils tuent et ils reviennent. Subhanallah. Et puis le sixième jour, les Romains, les Rassanides ont décidé que c'est eux qui vont attaquer. Et ils ont attaqué les musulmans. et le combat, il a fait rage. Et à cet instant, Allah subhanahu wa ta'ala, il replia pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'espace qui séparait Mu'ta de Médine, en sorte qu'il eut la vision de ce qui s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Satellite spécial, chaîne câblée spéciale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait Zayd prenant l'étendard et combattre. Et puis il a appelé les gens. Salat jamia, prière générale, venez. Et il monta sur le manbar, sur la chair. Et il dit, je vous informe sur votre armée en campagne. Ils ont rencontré l'ennemi. Zayd a pris l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il regarde, eux, ils ne voient rien, les compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit ce qui se passe dans cette bataille. Il a dit, Zayd a pris l'étendard. Puis Zayd, il menait en ce moment ses hommes au combat, et le combat s'acharna, et Zayd reçut une série de blessures mortelles, et finalement s'abattit sur le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Zayd est mort en martyr. Comme ça, devant, il dit, Zayd est mort en martyr, j'implore pour lui le pardon d'Allah. Implorer qu'Allah lui pardonne et implorer qu'Allah accepte sa shahada. Ensuite Ja'far a pris l'étendard. Ja'far, il rentra, il prit l'étendard, il rentra dans l'ennemi, il combattit en déclamant, en récitant des poèmes. Il dit, Ya habbada al-jannata wa qtirabuha, tayyibatan wa baridan sharabuha. والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لاقيتها درابها. C'est le paradis si proche, heureux séjour, frais des altérements, ici des Romains, génération au châtiment proche, mécréant et loin leurs alliés, je m'oblige au combat à les pourfendre. Hadith rapporté par Ibn Hisham. Il scandait ces vers-là et il combattait. Et quand il s'est retrouvé au milieu de l'ennemi, ça y est, il ne peut plus sortir. Il reçut beaucoup de blessures et il est serré, il est entouré des Rassanides, des Romains. Et il a reçu beaucoup de blessures. Quand il a su qu'il ne va plus s'en sortir, il est descendu de son cheval et il tua son cheval. Et ce fut le premier cheval tué dans une bataille. Ce fut le premier cheval traité ainsi dans une bataille, c'est-à-dire que le cavalier, il descend, il tue son cheval. Bon, les savants, ils ont autorisé ça. C'est-à-dire que si tu as un bon cheval, si l'émir, il a un très bon cheval, il ne veut pas que les koufars, l'ennemi, bénéficient de ce cheval-là, il le tue. On peut extrapoler, par exemple, sur, un tank où il met une grenade dans ce tank, il le bombarde s'il sait qu'il va être tué pour que l'ennemi ne bénéficie pas de son arme, si vous voulez. Ça rentre dans la jurisprudence concernant le jihad, fiqh al-jihad. Il tua son cheval, puis il combattit jusqu'à ce qu'il eut la main droite coupée. Et il prit l'étendard, il souleva l'étendard de la main gauche. Et il combattit, puis elle fut de même coupée, la main gauche elle fut coupée. Puis il tint l'étendard jusqu'à sa mort, avec ce qui restait de ses bras, il tint l'étendard jusqu'à sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le minbar, il dit, Ja'far tomba martyr, shahid fi sabilillah, témoignez qu'il est martyr. Et ils ont imploré le pardon d'Allah pour Ja'far radiallahu anhu. Le Bukhari, il rapporte qu'on releva sur Ja'far 80 blessures d'épée, de lance ou de flèche reçue dans la voie d'Allah. Tout son corps est blessé, tout son corps est touché par elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a remplacé ses deux bras par deux ailes. Il vole avec Jibril et Mikaïl. Et puis il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ce fut Abdullah ibn Rawaha qui prit à son tour l'étendard. Et il se tut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas parlé. Quand Abdullah ibn Rawaha a pris l'étendard, le prophète sallam n'a pas parlé. Et puis là, puisque Abdullah ibn Rawaha, c'est un ansarite, c'est un auxiliaire. Donc deux émigrants ont été tués fi sabilillah, et puis le prophète sallam n'a rien dit sur Abdullah ibn Rawaha et les ansarites, les auxiliaires, leurs visages changèrent. Ils ont dit que peut-être Abdullah ibn Rawaha, il a tourné le dos. Pourquoi le prophète sallam s'est tué? Parce que Abdullah ibn Rawaha a eu un moment d'hésitation. Il a eu un moment d'hésitation. Et puis il commence à s'encourager, il a récité un poème, il a dit « Aqsamtu ya nafsi latanzilanna aw latukrahanna in ajlaba an-nas wa shaddurranna ma li araki takrahin al-janna qad talama kunti mutma'inna hal anti illa nutfatun fi shanna aqsamtu ya nafsi latanzilanna. Toi mon âme, tu avanceras, je le jure, tu avanceras où je te contrains. De toutes parts, les gens crient, retiennent leur frayeur. Te verrai-je quant à toi refuser le paradis? Bien lent fut donc ton plaisir ces jours. N'es-tu pas seulement qu'une goutte dans une autre usée? Subhanallah. Pour s'encourager, elle dit, tu ne vaux rien, tu n'es qu'une goutte. Une goutte de sperme dans une autre usée. Et puis il dit également, يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيت فقد أعطيتي إن تفعلي فعله ما هديتي. Toi mon âme, si tu n'es pas tué, tu mourras un jour. Voici le vent de la mort qui t'effleure. Ce que tu espérais, tu l'as eu. Si tu fais comme eux, tu es guidé. C'est-à-dire, si tu fais comme eux, tu fais comme Ja'far radiallahu anhu, et tu fais comme Zayd ibn Haritha. Puis il descendit de son cheval et l'un de ses cousins lui lança un os recouvert de viande parce qu'il combattait toute la journée, il n'avait même pas le temps de manger. Et puis il lui a dit, restaure-toi avec ce morceau, tu es bien épuisé. Et puis il prit cet os et puis il en mordait une bouchée, puis entendant le fracas de l'épée et tout le tumulte, si vous voulez, de la guerre, il le jeta. Il le jeta en disant, Tu es encore vivant, et il rentra dans l'ennemi, il est mort. Lui aussi combattit vaillamment jusqu'à sa mort. Et le prophète, après s'être tué, il dit, il a combattu l'ennemi, Abdullah ibn Rawah a combattu l'ennemi jusqu'à mourir en martyr, imploré pour lui le pardon d'Allah. Et il a dit dans un autre hadith, ils ont été élevés au paradis sur des lits d'or. Je vis une différence dans le lit d'Abdullah ibn Rawaha par rapport aux deux autres. Les compagnons, ils demandèrent la cause. Et puis le prophète, il a dit, ils s'y sont engagés immédiatement et lui a hésité, puis s'est engagé. Donc ce moment-là d'hésitation a fait que son trône, à lui, son lit, soit un peu plus loin que celui de Ja'far et de Zayd radiallahu anhu. Donc c'est ça l'importance du jihad fi sabilillah. Donc quand l'étendard est tombé, personne ne le prit. Le prophète sallam n'a désigné personne pour prendre l'étendard. Il a désigné Zayd, il a désigné Ja'far, il a désigné Abdullah ibn Rawaha. Donc les trois émirs ont été tués et les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Personne n'a pris l'étendard, ils commencèrent à prendre la fuite. Le nombre très important de l'ennemi. Abu Rafi'a radiallahu anhu, il disait, ça y est, c'est une vraie défaite. Ce que je vois devant moi, c'est une vraie défaite. Tout le monde fuit, les musulmans, et dit, je ne vois pas deux personnes ensemble. Deux personnes, c'est-à-dire que toute la troupe est défaite. Les musulmans sont dispersés. Et subhanallah, ce fut Thabit, un Badriste qui a participé à la bataille de Badr, qui se saisit de l'étendard. Qui peut se saisir de l'étendard en ce moment-là, subhanallah, en plein... C'est-à-dire que c'est un danger, il n'est pas protégé. Zayd, Ja'far, quand ils prennent l'étendard, ou Abdullah ibn Rawaha, ils sont toujours, parce que celui qui prend l'étendard, il est toujours protégé par ses frères. Là, au moment où tout le monde se disperse, lui, il se saisit de les... Il s'est mis en danger et il a pris l'étendard. Et puis, les musulmans commencèrent à se réunir autour de cet étendard-là. Et le premier qui l'avoir rejoint, ce fut Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Et puis Thabit a rengalé les combattants et dit, assemblée de musulmans, entendez-vous sur un homme? C'est-à-dire, choisissez un homme parmi vous. Et ils ont dit, c'est toi Thabit, c'est toi le premier qui a pris l'étendard. Il a dit, je ne puis accepter. Et puis ils se sont mis d'accord sur Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed. Dans une autre version, Khalid commença par refuser cet honneur. Il a refusé, et puis Thabit, il a dit, je ne l'ai pris que pour toi. Il a dit, maintenant, ce n'est plus une question de courtoisie, que je sois un badrite ou un immigrant. C'est une question de quoi? De compétence. Khalid Ils l'ont connu. Il vient de se convertir, même pas 4 mois. Et pourtant, ils lui ont dit, c'est toi qui vas être l'émir. Pourquoi? C'est une question, c'est pas d'ancienneté dans la religion, c'est une question de compétence. C'est un homme compétent dans la guerre. Donc, il faut donner la responsabilité à celui qui la mérite. Khalid le valet-étendard. Et ceux qui ont pris la fuite, ils sont retournés, et puis il regroupa d'une vitesse, d'un grand responsable, d'un grand guerrier, il regroupa les combattants, et il resserra les rangs, il distribua les responsabilités d'une vitesse, et puis il attaqua de nouveau. Et l'ennemi fut stupéfait, comment ça se fait qu'une troupe défaite, il se réunit d'une telle vitesse, ça c'est l'éminence de Khalid, radiallahu anhu. Et il attaqua, ils tuèrent plusieurs parmi l'ennemi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ensuite prit l'étendard, un glaive parmi les glaives d'Allah, Khalid ibn al-Walid. Oh Allah, donne-lui la victoire. Et alors, là, le combat, il fut acharné. Et la victoire des Romains, il s'est transformée en défaite. Puis, la veille du dernier jour de Mu'ta, Khalid ibn al-Walid, il prépara un plan. Il prépara avec les autres chefs, il prépara un plan, il a partagé sa troupe, il a dit que les gens qui d'habitude sont toujours devant, je vais les mettre derrière, et ceux qui sont à droite aussi, je vais changer, si vous voulez, la physionomie de la troupe, et je vais mettre de nouveaux étendards, et il fait un tour autour du camp, et il commença à chercher, à toucher la terre jusqu'à trouver une région poussiéreuse, là où il y a de la poussière. Et puis, il a marqué ce terrain-là. Ça, c'est toujours le plan qu'il était en train de... Puis le lendemain, l'ennemi, quand les deux troupes furent face à face, l'ennemi, il s'est mis à s'étonner. Il voit de nouveaux visages, de nouveaux étendards. Mais ils ont dit, ces gens-là, ils ont eu des renforts. De nouveaux visages, de nouveaux étendards. Ils étaient étonnés. Déjà 3000, ils n'ont pas pu les vaincre. Alors maintenant, il y a d'autres combattants supplémentaires et commencèrent à avoir peur. Et puis tout d'un coup, il y a une troupe de cavaliers qui piétina la terre poussiéreuse. Tout un nuage de poussière a jailli comme ça. Ils ont dit un autre renfort. C'était juste un petit nombre de cavaliers, puisque la terre est poussiéreuse et que les chevaux piétinent cette terre-là. La poussière, elle a monté et ça fait tout un nuage. Et là, leur cœur est monté dans les gorges. Une deuxième troupe, une troisième troupe passa par un autre terrain poussiéreux. Ça y est, ils ont eu peur et commencèrent à prendre la fuite. Et Khalid les attaqua. Les attaqua, ils les tuent. Eux, ils sont que 80 000. Les autres, 200 000, en train de prendre la fuite, ils ont eu peur. Et Khalid, il le dit lui-même dans un hadith. Rapporté par Al-Bukhari, il dit, le jour de Mu'ta, j'ai frappé l'ennemi au point de casser 9 épées. 9, je les ai cassées. Et il n'est resté dans ma main qu'une côte de maille yéménite. Toutes les épées, il les a cassées. Hadith rapporté par Al-Bukhari, 4265. Et nombreux mécréants ont été tués ce jour-là, et blessés, ils commencèrent à fuir, et les musulmans les poursuivirent et les tuèrent. Jusqu'à atteindre même leur roi, c'est-à-dire le frère de Héracle, Théodore. Et durant cette attaque, Khalid demanda d'arrêter. Il a dit non, ne les poursuivez pas. Arrêtez. Les autres, ils fuirent. Et Khalid, il demanda les musulmans de ne plus les poursuivre. De ne plus les poursuivre. Et l'armée, elle s'arrêta. Elle s'arrêta, puis il demanda aux musulmans de se retirer. Il demanda aux musulmans de se retirer. Puis l'ennemi, il s'arrêta lui aussi. Il a dit comment ? Là, c'est une autre tactique. Il va nous mettre dans une embuscade. Il se retire. Leur chef, Théodore, il a dit arrêtez. Il ne faut pas s'avancer parce qu'ils vont nous mettre. C'est un piège. Et Khalid, il se retire. Il se retirait jusqu'à une certaine distance. Il a dit allez, on retourne à Médine. Il a dit on veut un retrait sans dégâts parce qu'ils sont plus nombreux quand même, et en plus on n'est pas sur notre terre, Là, on avance vers les Romains. Ils peuvent avoir des renforts, ils peuvent nous encercler. Donc, certains savants, certains spécialistes des Maraz et des Jihad, ils ont dit que c'est le premier retrait en histoire où il n'y a pas eu de victimes. C'est-à-dire, en général, quand une armée il se retire, toujours elle laisse des séquelles. Toujours elle perd des hommes. Elle perd des hommes. Parce que le retrait, c'est dangereux de se retirer. Mais lui, il a réussi à faire ce retrait-là sans perdre des hommes. Et là, l'information parvint à Médine, mais elle parvint à modifier. Les gens de Médine, ils ont eu la nouvelle que Khalid, il s'est retiré par peur. Il a fui dans le sentier d'Allah, ça veut dire qu'il a tourné le dos. Et Khalid et toute la troupe, ils furent accueillis par les jets de pierre, les femmes, ils leur jetaient pierre, les enfants. Faratum fi sabilillah, vous avez fui dans la voie d'Allah, vous avez fui dans la voie d'Allah, au point que des compagnons, ils n'ont pas réussi de rentrer chez eux. Un des compagnons raconte, il dit, j'étais blessé, fatigué, j'ai voulu rentrer chez moi, la porte était fermée, ma femme, il n'a pas voulu m'ouvrir la porte, il a dit, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un moujahid, tu as fui dans le sentier d'Allah, tu ne vaux rien. Il n'a pas laissé rentrer, il a dit retourne. Et ce fut le professeur Hassan qui réagit, il réunit les gens, il a dit ce ne sont pas des fouillards, mais plutôt ceux qui se replient pour attaquer de nouveau. Ce sont ceux qui se replient pour attaquer de nouveau. Laisse le furrar, walakin le kurrar. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Ô vous qui croyez, quand vous rencontrez en ordre de bataille les mécréants, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge, ce sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Ça c'est dans Surat Al-Anfal. Le prophète sallam il a dit, moi je suis l'autre groupe de tout croyant. Anafi'atu kulli mu'min. Hein? Ça veut dire, à moins, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, moi je suis l'autre groupe. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tourné le dos. Et finalement, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Parce qu'ils ont eu beaucoup de butins. Il y a beaucoup de hadiths qui rapportent qu'ils ont eu beaucoup de butins. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, l'un des glaives d'Allah, l'un des glaives a pris l'étendard, qui est Khalid ibn al-Walid, il a dit que Allah va le triompher. Dans un autre hadith, il dit Allah va le triompher. Et donc, c'est Khalid, il a triomphé finalement. Il a jeté la peur dans le cœur des kuffars, en même temps, il l'a tué plusieurs, et c'est juste une minorité des musulmans qui ont été tués. Il n'y a pas beaucoup de victimes parmi les musulmans. Ils ont eu beaucoup. Parmi le butin, il y avait des chevaux avec des selles en or, et il y avait beaucoup de butins qu'ils ont ramenés. Et donc, le prophète sallam, déjà avant, quand il leur a informé, avant que la troupe n'arrive, parce que ça y est, il a été déjà informé que Zayd a été tué, que Ja'far a été tué, que Abdullah ibn Rawaha a été tué. Directement, il sortit de la mosquée et il partit voir Asma bint Umays, la femme de Ja'far, radiallahu anha, l'épouse. Et lui dit, amène-moi les fils de Ja'far. Et le prophète sallam les serra contre lui et les embrassa. Et il les sentit et ses yeux ils se mouillèrent de larmes. Et il lui dit, Asma radiallahu anha, il lui dit, envoyé d'Allah, toi qui m'es plus cher que mon père et que ma mère, pourquoi pleures-tu? As-tu reçu des nouvelles de Ja'far? As-tu reçu quelque chose, des nouvelles de Ja'far et ses compagnons? Et le prophète sallam a dit oui. Ils ont été aujourd'hui frappés et ils sont tombés. Hadith rapporté par Ibn Ishaq. Et là, Asma, il n'a pas pu supporter le choc et il poussa un cri de lamentation parce qu'elle a beaucoup souffert avec Ja'far radiallahu anhu. Elle a émigré avec lui en Abyssinie, puis de l'Abyssinie, il a souffert en Abyssinie, puis de l'Abyssinie, il est revenu à Médine, et puis, c'est-à-dire, il a beaucoup souffert avec son mari Ja'far. Il n'a pas pu supporter et il y avait des femmes qui accoururent vers elle. Pour la consoler. Et là, le professeur sallam revint chez lui et demanda à sa famille, à sa femme, à Aïcha, de préparer à manger pour la famille de Ja'far. Il a dit, leur chagrin les tient trop occupés pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes. Hadith rapporté par Ahmed Tirmidhi ou Ibn Majah. Donc, c'est de la sunna que quand il y a un mort, c'est pas la famille du mort qui prépare le repas parce que elle est occupée par le mort. Donc, il est chagriné, ils sont touchés, ils sont préoccupés par ce mort-là. Donc, c'est les voisins normalement qui doivent préparer le repas pour la famille du mort. Et puis le prophète sallam, il envoya Affan pour les déconseiller de se lamenter. Et il invoqua Allah pour la famille de Ja'far. Il a dit, je suis leur allié ici-bas et dans le delà. Après 3 jours, il a dit, ça y est, ne pleurez plus sur mon frère. Après aujourd'hui, hadith rapporté par Ahmed, il a dit, ça y est, 3 jours, il n'est plus permis de pleurer. Et là, bon, il y a beaucoup de leçons à tirer, parmi lesquelles... le mérite des 3 émirs, Zayd, Ja'far, Ibn Rawaha, la consécration de la tradition de faire des adieux à ceux qui entreprennent un voyage, par exemple quand quelqu'un fait un voyage, la famille et tout, il fait les adieux à cette personne. Ça c'est une bonne tradition, c'est une bonne chose, confirmée par l'islam. Le rappel d'une vérité par Abdullah Ibn Rawaha, selon laquelle les musulmans... Ils ne combattent pas leur ennemi par le nombre, mais par l'iman, la foi. D'accord? Par l'iman. Parce que si, comme a dit Omar al-Khattab, quand il a envoyé en expédition un de ses émirs, il lui a dit, il faut être pieux, il faut invoquer Allah, il faut faire beaucoup d'adoration, parce que si vous êtes égaux, si vous et votre ennemi, vous êtes à égalité dans les péchés, ils vont vous battre parce qu'ils sont plus forts, ils ont beaucoup plus d'armes. Donc si on fait les mêmes péchés que les kofars, c'est normal que c'est eux qui nous mettent en déroute, qui ont le dessus, comme ce qui se passe maintenant. Il y a aussi le bon usage d'interpeller sa conscience et de l'encourager, comme a fait Abdullah ibn Rawaha quand il s'est encouragé pour combattre et pour suivre son devoir. Il y a aussi un signe de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, miracle, le fait qu'il a regardé ce qui se passe devant lui alors qu'il est à Médine. Et il a regardé tout ce qui se passe en Syrie, à la frontière de la Syrie. Et puis le mérite de Khalid ibn Walid et l'origine de son surnom, Sayyifullah, l'épée d'Allah. Et il y a aussi le droit de se consulter et désigner un imam en absence de l'imam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas désigné Khalid ibn Walid. Donc s'il n'y a pas l'imam qui désigne, il est absent, il est loin, et que la situation, il demande qu'on désigne tout de suite un émir, les combattants, ils ont le droit de désigner un émir. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont désigné Khalid ibn Walid, et le prophète a confirmé Khalid ibn Walid. Et il a confirmé ce qu'ont fait les compagnons. Et il y a aussi le bon usage de porter l'enfant, le sentir et l'embrasser, par miséricorde. Il a aussi le droit de pleurer, d'accord, et l'interdiction de se lamenter. Donc l'atm laysa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-jub wa da'a bi da'wa al-jahiliya, ne fait pas partie de nous celui qui se griffe le visage ou il se gifle et qui se déchire les vêtements et qui appelle à l'image du paganisme anti-islamique. Tu as le droit de pleurer à mort, mais tu n'as pas le droit de griffer. Ça c'est le jahiliya, l'ignorance. Donc on a le droit de pleurer. Parce que bon, après, quand les femmes ils ont rejoint Asma ibn Umayyah, ils n'ont pas arrêté de pleurer, le prophète il a envoyé un homme pour les déconseiller de se lamenter davantage. Et la personne, il n'a pas réussi à les arrêter. de pleurer. Et puis il est retourné voir le prophète sallam, mais le prophète sallam il a dit mets de la terre dans leur bouche. Enfin, c'est pas que tu le mets, mais ils méritent qu'on mette la terre dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils se lamentent et ils sont lamentés trop longtemps. Et il y a aussi, bon, arrêter de pleurer après 3 jours, bon, ça c'est pas... Mais il y a une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'hidad, le deuil. Le deuil. Le deuil, il ne doit pas dépasser 3 jours. Sauf pour la femme du mort. C'est combien? 4 mois et 10 jours. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 14 jours et 10 jours. Il y a le hadith, il n'appartient pas à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire le hidad, c'est-à-dire d'être en état de deuil plus que 3 jours sur un mort, sauf pour son mari, 4 mois et 10 jours. Hadith sahih. D'accord? Donc une femme ne doit pas être en état de deuil sur une personne qui n'est pas son mari, qui n'est pas son mari. Elle a le droit de le faire 3 jours. Après 3 jours, ça y est. Donc Zainab bint Jahsh, il y a un hadith de Zainab bint Jahsh radiallahu anha, quand son frère est mort, après 3 jours, elle était en état de deuil. Puis après 3 jours, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé qu'on lui ramène du parfum. Et il a mis du parfum. Et il a dit, ce n'est pas par amour au parfum que je désire d'être parfumé, mais parce que j'ai entendu le prophète sallam qu'une femme ne doit pas être en deuil plus que 3 jours sur une personne, sauf sur son mari, 4 mois et 10 jours. D'accord? Il n'y a pas car l'innovation des drapeaux en berne, ou la bid'a, des innovations contemporaines, une innovation de ce temps-là. Donc le musulman, il ne fait pas ça. Ni le deuil, ni rien du tout. Ni les 2 minutes de silence, ni hadi, c'est ressembler, imiter les kuffars, les ennemis d'Allah. Ouais, 40 jours, etc. Ça n'existe pas en islam. Donc, c'est quoi le hidad? Le deuil, c'est que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, il y a une chose très importante. C'est que si la femme est enceinte, le deuil, il s'arrête quand elle donne vie à son enfant. Du moment qu'elle accouche, ça y est, elle enlève le vêtement de deuil, même si c'est une période qui est avant 4 mois. Ça veut dire, comme l'exemple d'une femme qui s'appelle Sabi'a al-Aslamiya, qui, elle, son mari est mort, et quelques jours après, il a accouché. Et le prophète sallam lui a donné le droit d'enlever le vêtement de deuil. D'accord? Et tout ce qui concerne la femme endeuillée. C'est-à-dire que la femme qui fait le hidad, il n'a pas le droit de toucher au parfum, il n'a pas le droit de... Tout ce qui attire la femme à son mari, il ne doit pas le faire. Le khal, le maquillage, il ne doit pas faire ça. Un vêtement qui est attirant, non. D'accord? Des savons parfumés, non. Il a le droit de se laver, il a le droit de se regarder dans un miroir, mais il n'a pas de sortir en cas de nécessité majeure. D'accord? En cas de nécessité majeure. Ça, c'est les règles, quelques règles de l'hidad, du deuil. Donc ça, c'est les leçons qu'on a pu tirer de cette bataille. Juste après, cette bataille s'appelle Ghazwat Mu'tah, juste après, il a eu lieu Ghazwat Dhat al-Salasil. Ghazwat Dhat al-Salasil, c'est à Jumada deuxième, le mois de Jumada, Jumada Saniya, à l'année 8 de l'Hégire. C'est que Qudaa et Bali, c'est des tribus, quand ils ont constaté que les musulmans se sont retirés lors de la bataille de Mu'tah, ils se massèrent à la frontière syrienne et ils ont voulu préparer une armée. Ils ont voulu aller jusqu'à chez les Romains, demander des renforts et combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, bon, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont retirés durant cette bataille, ça veut dire qu'ils sont faibles, ils sont en état de faiblesse. Donc nous, on profite de l'occasion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné, il convoqua Amr ibn al-As. Il convoqua Amr ibn al-As et directement, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils réagissent vite avant que l'alliance ne s'effectue entre les gens de Qudaa et les Rassanides et les Romains. Donc il a voulu casser cette alliance, si vous voulez. Il a voulu casser cette alliance. C'est-à-dire, il a voulu envoyer une armée, comme ça, il punit Qudaʿa, il punit Bali, comme ça ils ne participeront pas, comme ça ils n'arriveront pas à avoir les renforts des Rassanides, à avoir les renforts. Si vous voulez, il veut leur barrer le chemin. Il a voulu leur barrer le chemin. Et il appela Amr ibn al-As. Amr ibn al-As vient de se convertir. Sauf l'éminence, l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a confirmé Khalid ibn Walid alors qu'il vient de se convertir. Et là, il appelle Amr ibn al-As alors qu'il vient lui aussi de se convertir. Et il l'appela. Il a dit, prépare-toi. Prépare ton cheval, prépare tes armées, tes armes et tout, et viens me voir. Et alors là, quand Amr ibn al-As arriva, il trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, je vais te mettre au commandement d'une armée. Allah te protégera et tu auras beaucoup de butin. Tu auras beaucoup de butin. Je te donnerai une bonne part. C'est-à-dire, tu vas commander une armée, et Allah va te protéger, tu auras une bonne part de ce butin-là. Et là, Amr ibn al-As a dit, je n'ai pas embrassé l'islam pour l'argent. Je me suis soumis par amour à Allah. Je me suis soumis par amour à l'islam. Et pour être en compagnie de l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallam a dit, Amr, l'argent qui vient d'une acquisition pure mérite d'être dans des mains pures. Ni'mal mal al-salih, le rajul al-salih. Quand un homme est pieux, même s'il est riche, il a beaucoup de du moment que la personne est pieuse, s'il a beaucoup d'argent, c'est bien, parce qu'il va donner le monde, il va aider, il va construire des mosquées, des écoles, il va financer le jihad, il va faire beaucoup de choses. Donc, ni'mal mal al-salih, le rajul al-salih. L'argent qui vient d'une acquisition pure, il mérite d'être entre des mains pures. Hadith rapporté par Ibn Hibban, 2277, par Imam Ahmed, et dans le Bukhari, dans Al-Adab al-Mufrad. C'est pas dans Sahih, mais dans un autre livre. Et alors là, il le désigna pour aller combattre Qudaʿa, la tribu de Qudaʿa, et sous le commandement de Amr figure qui? Abu Bakr. Sous le commandement d'Amr ibn al-As figure Omar ibn al-Khattab. Sous le commandement d'Amr ibn al-As qui vient de se convertir, il figure Saad ibn Abi Waqas. Les têtes des musulmans sont derrière lui. Lui, il est mieux. Pourquoi le prophète sallam l'a désigné? Parce qu'il connaît sa valeur. Il sait qu'il est très rusé. On a parlé de son histoire quand les Quraysh l'ont envoyé comme émissaire en Égypte. Comment il a su bien parler en Égypte. Et alors, Amr, à la faveur de marches nocturnes et de bivouacs dans des lieux retirés, Amr, il sut éviter d'attirer l'attention et atteignit Qudaʿa. Il marchait la nuit et le jour, il se cachait pour ne pas que Qudaʿa soit au courant de leur avancée. Parce que si jamais ils sont au courant, ils vont se précipiter vers les Romains, vers les Rassanides, demander des renforts. Donc lui, il a voulu les brusquer. Et là, il arriva à un endroit qui s'appelle, un point d'eau qui s'appelle Jud'an, et qui se trouve dans une région qui s'appelle Salasil. Et c'est pour ça qu'on appelle cette razwa la razwa de Salasil. Il envoyait des éclaireurs pour l'informer de ce qui se passe chez Qudaʿa, la tribu de Qudaʿa. Et les éclaireurs l'informèrent. Il envoya Rafi' ibn Makis al-Juhani. Il envoya Rafi'. Et Rafi' lui a dit qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a beaucoup de combattants dans la tribu de Qudaʿa. Ils se préparaient, ils préparaient leurs armes. Et là, Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Rafi' ibn Makis, il l'a envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demanda des renforts. Il n'était que 300 hommes. Il a demandé des renforts. Alors immédiatement, un contingent supplémentaire de 200 hommes se mit en route sous le commandement de qui? De Abu Ubaida ibn al-Zarrah, l'un des meilleurs combattants, l'un des grands combattants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un des plus intimes, c'est-à-dire l'un des plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé de son mérite lors de la bataille de Badr. Et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, quand il arriva, Amr ibn al-As, le nouveau converti, a dit à Ubaida, c'est moi votre émir. Il a dit, c'est moi l'émir de tout le monde. Toi, tu n'es qu'un auxiliaire. Tu viens m'épauler. Et là, certains compagnons, ils n'ont pas accepté la réaction de Amr ibn As. Ils ont dit, écoute, lui, c'est l'émir des émigrants. Il est un émir sur les émigrants. Et toi, tu es un émir sur tes compagnons. Il a dit, non. Il a dit, vous êtes pour moi une force auxiliaire. C'est moi l'émir, c'est moi qui dirige. Et alors là, Abu Ubaïda, elle a dit, la dernière chose que m'avait dite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que m'avait commandé l'envoyé d'Allah, c'est de veiller à ce qu'il y ait une parfaite coopération et qu'aucun désaccord ne s'élève entre les deux contingents. Elle a dit, plutôt que de risquer que tu puisses me désobéir, c'est moi qui va t'obéir.